journée. Il est 20h. David Rifon, bonsoir à tous. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, promet des mesures, un plan national pour protéger l'Italie des conséquences des séismes après le tremblement de terre qui a fait au moins 290 morts dans le centre du pays la semaine dernière. La justice cherche à savoir comment des bâtiments apparemment construits dans le respect des normes parasismiques ont pu s'effondrer le 24 août dans un pays où l'activité sismique est fréquente. Matteo Renzi a jugé que l'Italie avait besoin de changer de mentalité. Il a annoncé qu'il présenterait dans les jours à venir un projet baptisé la Maison de l'Italie. Il a demandé aux responsables politiques, syndicats, experts et groupes immobiliers de l'Italie de s'impliquer. Le Premier ministre promet de reconstruire Amatrice notamment et les autres localités environnantes. Elle dénonce un coup d'État. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, se dit victime d'un procès injuste et arbitraire. Dilma Rousseff a plaidé elle-même aujourd'hui sa cause dans son procès pour destitution devant le Sénat brésilien. Cette destitution devrait être effective demain ou mercredi. Depuis des mois, la première femme élue à la tête du Brésil en 2010 clame son innocence et dénonce un complot ourdi par le principal bénéficiaire de la manœuvre, selon elle, son ancien vice-président devenu rival, Michel Temer, qui assure par ailleurs l'intérim depuis le mois de mai dernier à la présidence. Chez nous, les principaux responsables du groupe des 10 qui rassemble les représentants des employeurs et les syndicats, ces responsables se sont vus aujourd'hui au siège de la Fédération des entreprises de Belgique. Ils ont parlé emploi et compétitivité dans un climat jugé constructif. Tous promettent de se revoir dans les prochaines semaines. Et puis le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront le 9 septembre prochain à la 40e édition du Mémorial Van Damme, dernière étape de la Ligue de Diamants d'athlétisme au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Il s'agira de la première visite de Philippe au meeting en qualité de roi, après y avoir assisté à 5 reprises en tant que prince héritier. Au niveau sportif, le Mémorial permettra d'honorer nos athlètes médaillés à Rio. C'est la fin de ces informations, merci d'être à l'écoute. À 21h sur Viva Bruxelles, BXXL, avec Stéphane Piedboeuf, Marion Jomot et Julien Warnot. Bonsoir Bruxelles. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, on peut mieux. On est un peu plus allumé qu'hier parce que fin de journée là, on était un peu flappy. Hein. Il a fait douf hein, ce week-end. C'était horrible. J'ai même pris un gros coup de soleil. Oui, vous êtes un petit Richard Cochéante à vous tout seul, Julien. Vous avez une tête de scampi, mais en partie. Hein. J'ai du mal à le cacher. Sinon, vous avez pris des couleurs, Marion. Vous êtes ravissante. Merci, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes pas trop mal bronzé. C'est bien. Merci beaucoup. On va bien s'amuser encore une fois ce soir puisque vous avez eu la chance d'aller au restaurant tous les deux. Ah oui. C'est délicieux. Un restaurant. Tête à tête. Oui. Pizza, pâte. Ah mais ça, on va pas vous dire tout de suite, okay. Surprise. Mais bon, un restaurant italien. Oui, en général, ce sera le resto sélectionné par les guides Delta, bien sûr. Deux tough gars seront là, bien sûr. Nick et Flup te racontent Bruxelles. Ce sera la séquence bruxellaire de cette émission. Et puis, on aura un invité aussi, puisqu'il y a pas mal d'étudiants. Bruxelles est la première ville étudiante. Et c'est quand même la semaine de la rentrée. Hein. On a tendance à s'oublier après un week-end pareil. Hein. Oui, mais les pauvres, il fait beau. Et c'est juste quand il fait beau, l'école commence. Ouais, le CEO de Visit Brussels sera avec nous pour nous parler de cette campagne qui a été lancée cet été à destination des étudiants du monde entier. C'était sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il nous dira tout dans quelques minutes. Bienvenue dans BXXL. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles, c'est BXXL. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. It seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Sur Vivacité, vous savez qu'il n'y a pas de port à Amsterdam, et pourtant Jacques Brel a chanté dans le port d'Amsterdam. Hein, vous étiez au courant. Il y a des marins qui chantent. Voilà, il y a des marins qui chantent. Bon, il paraît qu'il y a eu un port autrefois à Bruxelles. Vous y croyez, vous ? Oui. Oui. Bon. Oui. Ah, oui. Ok. Ok. Ok. On en parlera avec Nick et Flup qui vont tenter de nous mener en bateau. Ce sera dans quelques minutes sur Vivacité. Bah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retrocars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350 ans. Avec la une. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Sophie, il ne reste que quelques jours pour en profiter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bon, allez, on y va. Profitez de la grande liquidation avant travaux au meuble Lambermont à Bertry. Séjour, living, chambre à coucher, salon, literie, tout doit disparaître. Meuble Lambermont à Bertry en Ardennes, E411, sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? BXXL. Chaque lundi soir, merci de nous écouter. C'est la deuxième de BXXL sur 99.3 et sur vivacité.be. Et pour commencer cette émission, Julien, on va vous faire plaisir puisqu'on va vous parler de... Enfin, vous allez nous parler de votre passion. Tout à fait, Stéphane. Je vais vous parler de BD. D'accord. À l'occasion du festival de la bande dessinée qui se tient à Bruxelles. Et pour ce faire, j'ai été faire un petit tour dans le centre de Bruxelles pour y redécouvrir toutes les façades illustrées par les... Ouais. C'était par quoi vos héros de bande dessinée préférés? Oui, il y en a de nombreux. Ça peut être Tintin, Gaston Lagaffe, Quick et Flup, et j'en passe tellement d'autres. Et vous, Marion, vous préférez quel héros? Moi, j'aimais beaucoup les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs. C'est vrai que c'est c'était Schtroumpfement bien. C'est vrai, Schtroumpfs. Vous Schtroumpfez bien, Julien? Ouais, j'essaye de Schtroumpfer un peu, mais c'est pas toujours évident. Et vous êtes allé Schtroumpfer avec le micro au Vivacité dans les rues de Bruxelles? Absolument, et j'ai rencontré différentes personnes, dont le petit Yacine, qui voulait vous dire un mot. Bonjour Marion, bonjour Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous parler des dessins à côté de moi. Alors, je vois des gens, un homme très musclé qui porte des gens sur un arbre. Et il y a un homme assez bizarre en haut. Et qu'est-ce que tu penses de ces dessins sur les murs? J'en pense que c'est très harmonieux. Ça rend un peu plus joli au lieu d'avoir un mur blanc. Ça rend la vue plus belle. Pour moi, ça évoque la Belgique. C'est une bonne représentation de notre pays. Que penses-tu de l'œuvre qu'il y a sur la façade là-bas? Je trouve qu'elle représente bien la rue. Parce que c'est une rue gaie et je trouve que ça représente bien l'ouverture d'esprit de cette rue et du quartier aussi. Peux-tu me décrire un petit peu ce que tu vois? Moi, je vois deux transgenres, donc on ne sait pas si c'est des femmes ou si c'est des hommes qui sont heureux d'être là et qui sont libres et qui ne se font pas emmerder par les gens dans la rue et qui sont juste très bien chez eux et à Bruxelles. Je suis avec David Van de Geel devant le mur Ricochet de Tibet. David, comment avez-vous intégré et rejoint le projet du mur BD de Bruxelles? En fait, nous, on faisait déjà du mural, mais plus axé sur le trompe-l'œil, de façon assez classique, je dirais. Et bon, quand la ville de Bruxelles a lancé ce projet de mur BD, bon, ce qu'on a fait, nous, c'est développer le projet BD à une œuvre murale. Ce qui était un peu compliqué, puisqu'en général, le projet d'un auteur BD, il est réduit pour entrer dans les albums. Nous, on l'agrandit 100 fois, 150 fois, 200 fois, suivant le projet. Quelles sont vos réalisations préférées? Moi, j'ai des coups de cœur. J'ai des coups de cœur à la fois en tant que muraliste, par exemple pour le Skeuten, qui est vraiment une œuvre murale. Et puis, il y en a qui me passionnent parce que c'est mon enfance. Moi, je rêvais de faire un mur de Yoko Tsuno, juste parce que quand j'étais gamin, ça faisait partie de mes lectures. Je me souviens de l'inauguration du mur Astérix en présence du Derzo. C'était une espèce de grande foire avec des cartes du corps. Enfin, c'est toute une mise en scène à la française, à l'époque très surprenante. Et Uderzo a versé une larme. Moi, j'étais ébahi et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, il me dit, j'ai l'impression d'avoir tracé moi-même le mur, je n'ai jamais vu ça, un travail à cette taille-là de mon œuvre qui soit aussi respectueux de mon œuvre. Je l'oublierai jamais. C'était David Van de Geerde, l'un des fondateurs de l'ASBL Art Mural, qui s'est occupé de réaliser la majorité des fresques qu'on peut voir sur le parcours de la BD. Et juste une petite question, est-ce que vous savez quand a été fait la première fresque murale à Bruxelles? Waouh, ça doit... Presque de BD. Hein. 60. Un peu plus tard. 70. Non, c'est près de votre année de naissance, à mon avis. Oh là là, oui, 1900, beaucoup plus loin alors. 1980. Les années 90. Oui. Ah oui. En 1991. Donc il s'agit de la fresque de Broussailles qui se situe entre la rue du Marché au Charbon et la rue de Platestein. Et il faut savoir que chaque année, il y a 2 à 3 nouvelles fresques qui sont réalisées. Et pour l'instant, il y en a une qui est occupée d'être réalisée. De nouveau, une petite devinette, à votre avis, où est-ce que c'est? Actuellement, il y a des échafaudages et c'est près de... Ah, le palais de justice. Non. ça aurait pu, c'est déjà vite. Bravo, Stéphane, bravo. Ça aurait été sympa, des schtroumpfs sur le palais de justice. Eh ben, c'est justement des schtroumpfs et tout près de la statue qui se situe dans le centre. Alors, la statue de la dame au chapeau? Non, c'est non, la statue du schtroumpf. Donc, c'est en dessous de. C'est en face de la gare centrale. Il y a une grande place, la place de l'Europe. Et il y a un petit passage qui vous fait arriver à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Oui. Et c'est juste au-dessus, sur le plafond de ce passage, qu'est occupé d'être réalisée la fresque. Mais finalement, on n'a pas à rougir par rapport à une ville comme Charleroi, qui est un peu la ville de la bande dessinée par excellence, avec des ronds-points, Spirou, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de bandes dessinées à Bruxelles. Et notamment le musée de la bande dessinée, qui est très sympa d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je vous invite à aller voir, d'autant plus que ce week-end, c'est le Festival de la Bande Dessinée. Il y a toute une série d'événements gratuits, donc ce sera du 2 au 4. Et voilà, je vous propose d'aller sur notre site web sur lequel on placera toutes les informations. Voilà, vivacité.be, allez-y, vous pouvez surfer non-stop sur le site et puis la page Facebook aussi, je vous rappelle l'adresse, c'est Bruxelles Vivacité RTBF. Allez, on se retrouve dans un instant pour rigoler. Oui, ça va être tough. Il y aura Nick et Flup sur Vivacité. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Et en plus, il y a de la bonne musique hein, dans BXXL. Hein. Bah Louis Armstrong, ça fait du bien ça. What a wonderful world. En cette belle soirée que nous vivons ensemble après un week-end caniculaire. On n'est pas bien là? Allez, on est là jusqu'à 21h. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Je suis Tommy Moutsen, enseignant en mécanique automobile à l'ITP Cours Saint-Étienne. Savez-vous que mes élèves ont la chance de travailler dans un garage pédagogique avec de vraies demandes de clients ? L'option mécanique automobile ouvre les portes de concessionnaires renommés. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Demain dès 11h, sur Vivacité. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. C'est le moment de retrouver Nick et Flup te raconte Bruxelles sur Vivacité. Alors à Bruxelles, on a eu un port, personne ne le connaît vraiment, mais autrefois, si, si, il y a eu un port, c'est pas vraiment comme Amsterdam, hein, chanté par Brel, où là, il n'y a pas de port à Amsterdam, hein, on a jamais compris pourquoi. Bref, Nick et Flup ont décidé de nous mener en bateau. Tu sais, Flup, parfois quand je suis avec moi-même, hein, je me dis que Brel a chanté le port d'Amsterdam, mais que personne n'a chanté le port de Bruxelles. Mais c'est normal, hein, dit à Bruxelles, on n'a pas vraiment le pied marin. Le moment que ça torgue un peu dans cette ville, c'est quand t'as bu un peu trop de gueux. L'ambic était complètement criminel, Zat. Te faut pas rire avec ça, hein, parce que des marins, on a aussi été, hein? Un gars que l'uve de à peine dans l'eau sur les étangs, mais l'herse peut-être. Zot, mon arrière-grand poupa, ça a été un capitaine qui s'en fait contre le vent, même qu'il avait un bateau. Tu veux dire une barque? Non, monsieur, un mosselbac qui ramenait des moules de Schevelingen jusqu'à la place Sainte-Catherine quand elle n'était pas encore la place Sainte-Catherine. Oh, tu aurais dû voir tous ces fameux trois mâts, fins comme des oiseaux, voler sur l'eau. Eh bien, moi, ce que j'aurais bien aimé, hein, c'était être avec une bonne bière à la terrasse du bar de la marine pour voir débarquer tous ces bateaux. Ça y avait à voir, hein, avec tous les quais qu'on avait. Le quai au foin, le quai au bois brûlé, le quai à la pierre de taille, le quai aux briques. Le quai aux frites. Quel quai aux frites? Là, Flip, tu racontes des hivers de rats, hein, et tu vas encore les enduire, les gens en horreur, hein. La moule, elle vient de la côte. Et la frite, elle est dans le cote. La mayonnaise, alors? La mayonnaise, ça ne voyage pas. Et les gens, dit, ils prenaient aussi parfois le bateau pour aller jusqu'à Knokke-le-Zoet. Sûrement pas pour passer le week-end, hein. Avant le 16e siècle, il fallait tout de même 2 mois pour naviguer jusqu'à la mer, hein. Du coup, ils préféraient rester au port et se balader sous les berges mornes loin des langueurs océanes. Ou bien aller dans les cabredouches où ce que tu as les marins qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Dire que maintenant, dans le quartier Sainte-Catherine, t'as plus de marins, t'as plus de bateaux, et les bites d'amarrage, c'est devenu des potelets où ce que les Mercedes cognent leur pare-choc. Tout ça pour aller manger des huîtres et des homards qui viennent en avion maintenant. Et la mayonnaise aussi? Non, monsieur. La mayonnaise, ça ne voyage toujours pas. Allez, un dernier conseil, si toi aussi, Moussaillon, tu viens à Bruxelles pour chercher les senteurs océanes de la morue, jusque dans le cœur des frites, hein? Tu dois une fois faire une escale du côté de Sainte-Catherine, hein? Bon, tu n'y verras plus de fameux trois mâts, hein? Et encore moins d'autres choses de ce genre, mais tu verras au moins des restaurants chic and tough où on acceptera ta carte Visa. À bon entendeur, salut! And the cost! And the wind van achter! Et rendez-vous sur le site internet de Nick et Flup. Nick et Flup te raconte Bruxelles, c'est nicketflup.be. Et puis sur Facebook aussi, allez liker, commenter la page qui est vraiment très chouette avec la vidéo en plus. Nick et Flup te raconte Bruxelles, vous tapez ça dans recherche sur Facebook et vous pourrez rejoindre le groupe. À cause du vent, mes absences et du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Sur Vivacité avec Christine. Ouais. C'est facile comme titre quand même. Bah oui, c'est vrai, elle s'est pas foulée. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les deux premiers épisodes ce mercredi sur La 2. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? On croit rêver de 23h à minuit avec Régine Dubois et Vivacité la nuit avec Bernard Dewey. Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? BXXL. Et bon courage à tous les étudiants qui nous écoutent. Ce sont les derniers examens, les examens de la dernière chance. Mais c'est horrible de dire ça comme ça, les pauvres. Surtout que c'est déjà pratiquement fini pour la plupart d'entre eux. Oui, mais allez, on va un peu se détendre quand même. C'est la rentrée aussi qui arrive. On va parler de la bière, car prochainement à Bruxelles aura lieu le week-end de la bière. Vous les préférez comment, les bières? Je les aime toutes. Mais bien fraîche. Ah oui, ok, super. Mais plutôt blonde ambrée pour moi. Blonde ambrée. Vous avez des vous en buvez régulièrement de la bière de temps en temps? Avec modération. Oui, ou avec moi de temps en temps aussi. Hein, voilà. Et avec vous également. Il n'y a pas que modération dans vos amis, s'il vous plaît. Bon alors, il y a des bonnes adresses à Bruxelles, bien sûr, hein, pour aller boire de la bière et pour en parler aussi. On vous a fait confiance, Julien et Marion. Alors, bah, un premier bon plan, peut-être pas pour spécialement en bois, mais plutôt pour faire sa propre bière. Ça peut être sympa, ça. C'est possible, ça? Ah oui, pour apprendre à brasser soi-même, eh bien, il y a Brewspot. Donc, c'est une équipe de passionnés du brassage amateur et ils proposent plusieurs formules de cours pour apprendre à brasser sa propre bière. Alors, il y a des cours pour débutants qui durent un jour et des cours un peu plus expérimentés qui durent deux jours. Et là, vous apprenez tout, quoi. Du brassage de A à Z. Évidemment, ça se termine par une dégustation. Et Le must, c'est qu'on repart avec sa propre production. C'est génial. Si vous pouviez faire des économies. Ouais. Elle s'appellerait comment, votre bière, à vous? Quelle bonne question, je sais pas. La Marion. La marionnette. Il y a déjà les Manon dans les pralines, pourquoi pas la Marion? Ça serait original. C'est pas mal. Hein. Et vous, Julien? La bienvenue. La bienvenue. Super, ça. Parce qu'une bière est toujours bienvenue. Il y a quand même des noms bizarres de bière. Hein. Il y a la Reims cochon doré. Il y a la chatte aussi. La chatte, la truffe. Elle est excellente, la chatte. C'est dingue. Hein. Bon, autre bon plan, Julien. Je vais vous parler de deux musées. Donc, il y a le bien connu qui se situe sur la Grand Place, le musée des brasseurs belges. Mais un petit peu moins connu et donc plus original, le musée scarbécois de la bière. Donc, c'est un musée qui propose une collection de plus de 1000 bouteilles de bière belge avec beaucoup de verres correspondants et des anciennes machines qui servaient à brasser. Ça se situe avenue Louis-Bertrand à Scarbec, donc numéro 35, tout près du Barboteur, qui a une bibliothèque. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une bibliothèque. C'est une bibliothèque avec que des bières. Exactement, un peu comme la vinothèque ou autre. C'est génial. Donc on peut louer une bière et puis la ramener après quand elle est vide. À peu près, mais vous recevrez que 10 cents de caution. Okay. C'est déjà ça. C'est toujours ça de prix. Très bien. Donc on rappelle l'adresse, c'est à Scarbec. Hein. C'est à Scarbec, avenue Louis-Bertrand, 33-35. Bon, et si on allait tendre le micro vivacité à ceux qui vont boire de la bière lors du week-end de la bière? Ah bah oui, moi je suis partante. Bon. Ça peut être sympathique, oui. Bon, attention les étudiants, on va parler de vous, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et d'ailleurs, il y a eu une campagne de promotion, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui concerne les étudiants. Ça a été organisé par Visit Brussels, notre invité. Ce sera le CEO de Visit Brussels dans quelques instants sur Vivacité. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. We'll be right back. Celui qui était au BSF, ça c'est un excellent souvenir de vacances. D'ailleurs, et je vous ai vu, vous étiez avec Marc Vernon, Marion Jovat. Oui, c'est ça, j'ai promené mon micro dans la foule du BSF, et ouais, notamment au concert de Lost Frequency, c'était vachement bien. Il est de chez nous, hein. Ben oui, il est belge, il a mis une ambiance de feu. C'était incroyable, la place des Palais était vraiment en extase devant ce véritable show. C'était Beautiful Life. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles, c'est BXXL. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité, le CEO de Visit Brussels, Patrick Bonting, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans BXXL. Merci. On est bien lundi soir à Bruxelles, hein ? On est bien, c'est une journée agréable. Vous avez passé un bon week-end ? Super. Alors, l'agence bruxelloise du tourisme, autrement dit Visit Brussels, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'agence qui a comme vocation de promouvoir Bruxelles, tant vis-à-vis des Bruxellois que vis-à-vis de la clientèle nationale ou internationale. L'objectif est de faire venir les gens à Bruxelles, de leur faire découvrir Bruxelles, la culture bruxelloise, et aussi dans sa plus grande connaissance aussi, tout ce qui est étudiant, la vie étudiante aussi est très importante à Bruxelles. Bah oui, justement, la vie étudiante, quel est le rapport avec les étudiants et le tourisme, par exemple ? Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que des étudiants Erasmus qui viennent à Bruxelles, c'est aussi pour eux une manière de colporter une image positive de Bruxelles. Et donc, quand on a des étudiants Erasmus, ils ont des amis qu'ils invitent à venir à Bruxelles, ils ont de la famille, et finalement, au niveau européen, on améliore l'image de Bruxelles à travers les étudiants. Ouais, Bruxelles est multiculturelle, et c'est d'ailleurs la première ville étudiante de Belgique. Oui, de loin, hein. On a plus de 91 000 étudiants, 52 institutions supérieures d'études à Bruxelles. Donc c'est vraiment une ville étudiante très très importante et on ne le sait pas pourquoi, parce que les étudiants sont vraiment intégrés dans le tissu et donc est répartis sur l'ensemble de la ville, ce qui a fait quelque chose de très intéressant aussi pour les étudiants. Alors justement, vous avez lancé une campagne de promotion alors que vous êtes la première ville bruxelloise en termes d'étudiants, pourquoi ? Mais parce que c'est important de faire connaître aussi, et c'est vrai, il y a eu l'impact hein, sur Bruxelles, où on a fort abîmé l'image ces derniers temps de Bruxelles. Et donc, on a travaillé... Il y a moins d'étudiants alors ? Non, il n'y a pas moins d'étudiants, mais on voulait vraiment travailler sur tous les secteurs d'activité. En fait, on ne s'est pas dit, on ne va pas faire que les touristes, on va faire aussi les étudiants. Et donc, c'était une manière pour nous unique de le faire à travers différents moyens de communication. On a vraiment décidé d'atteindre cette cible-là. Alors justement, comment vous y êtes pris dans cette campagne ? Alors, bon, pour cibler finalement les 17-21 ans, maintenant, ce qui compte, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est les blogueurs. Donc, on a travaillé avec eux, on les a invités, on a fait venir des YouTubeurs et des blogueurs du monde entier, ils sont venus à plus de 20, découvrir et présenter leur Bruxelles, leur manière dont ils ont découvert Bruxelles à ces jeunes de 17 à 21 ans. Vous avez des exemples de tweets ? Ils ont tweeté quoi ? Ils ont fait des vidéos Alors, ils ont fait des vidéos, il y a pas mal de vidéos qui tombent sur YouTube pour l'instant, qui sont vraiment des blogueurs et youtubeurs qui sont très connus. Hein. Il y en a qui ont plus de 160 000 followers et donc qui ont présenté Bruxelles. Ils l'ont découvert pendant 3-4 jours. Ils ont filmé. Ils ont été vraiment libres hein, dans leur reportage. On leur a simplement aidé. On les a guidés à travers Bruxelles et puis ils en ont fait leur interprétation et ça donne pas mal. Franchement, il faut aller voir sur le site study.brussels où là, vous avez les différents reportages qui ont été faits. C'est assez sympa, c'est assez décalé. C'est surréaliste, c'est Bruxelles. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que plusieurs étudiants ont aimé ? Mais... Non, je pense que tout le monde est impressionné, c'est quand même qu'on arrive à Bruxelles, c'est le côté cosmopolite de Bruxelles. C'est vrai qu'on prend métro, tram, vous traversez le métro, vous entendez 30, 40 langues différentes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très attrayant aussi pour les étudiants, parce que le futur de l'Europe pour des jeunes étudiants, c'est aussi connaître toutes ces nationalités différentes, ces gens issus des 27 pays européens, ils vont devoir travailler avec eux. Et je pense que c'est un gros avantage que présente Bruxelles pour les étudiants, c'est pouvoir rencontrer cette diversité qui va très fort leur servir dans leur vie professionnelle plus tard et construire leur réseau. Bruxelles est une des seules villes, finalement, au niveau international, à offrir une telle diversité et à offrir un tel potentiel de rencontres, parce qu'on sait très bien que pour le futur, la connaissance des réseaux, et si on a des réseaux internationaux, c'est d'autant plus facile pour trouver de l'emploi par la suite. Et il y a des quartiers étudiants à Bruxelles, on va en parler d'ailleurs, hein, des quartiers très vivants. Il n'y a pas que le cimetière d'Ixelles. Non, il n'y a pas que le cimetière d'Ixelles, il y a beaucoup plus de quartiers étudiants que ça. Et c'est aussi, et c'est ça, je pense, qui est super à Bruxelles, c'est la diversité aussi des quartiers étudiants. Oui. On n'a pas des ghettos d'étudiants non plus. On en parle dans quelques instants, on écoute un petit peu de musique dans BXXL et puis on se retrouve avec vous, Patrick Bonting. Je rappelle que vous êtes le CEO de Visit Brussels. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Viva, viva, viva, viva, viva. ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Johnny sur Vivacité. Ah, je vois que ça vous fait plaisir, Marion. Oui, mais il est un peu belge aussi, non, Jean-Philippe Sonnet? Oui, c'est vrai qu'il est un peu belge, même si sa nationalité est française. On dit toujours qu'il a des origines belges, puisque voilà, son papa était du Béoué, etc. Ah, vous êtes à 100% dans le sujet ce soir. BXXL. De retour avec le CEO de Visit Brussels, Patrick Bonting. On parlait il y a quelques instants des quartiers étudiants et c'est vrai que le gros cliché, c'est de dire le quartier étudiant à Bruxelles, c'est le cimetière d'Ixelles. Il n'y a pas que le cimetière d'Ixelles. Parlez-nous des différents quartiers. Où se situent-ils les autres quartiers étudiants à Bruxelles? Mais il y a beaucoup de quartiers étudiants. En fait, les quartiers étudiants s'organisent souvent autour des différentes écoles supérieures ou universités qui sont présentes à Bruxelles. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un seul quartier. Et c'est ça, je trouve, un des gros avantages. On en parlait tout à l'heure de Bruxelles, c'est que vous avez un quartier très important à évoluer avec notamment l'UCL qui se trouve là-bas. Vous avez aussi un quartier dans l'hypercentre. Il y a plusieurs écoles supérieures dans l'hypercentre. Donc, il y a un centre quand même assez animé au niveau étudiant. Donc, tout ça sont des quartiers vivants, aussi sur Flagey. On voit beaucoup d'étudiants sur Flagey. Donc, tous ces quartiers vivent et ils ne sont pas stigmatisés dans un seul endroit. Donc, moi, je trouve personnellement que c'est une richesse parce que l'étudiant est vraiment inséré dans la vie quotidienne à Bruxelles. C'est pas comme dans certaines villes où on a des quartiers 100% étudiants où les étudiants ou des villes 100% étudiantes comme oui, Malanoeuvre par exemple. Oui, où finalement il y a pas de diversité. Ici, la rencontre est aussi avec les habitants bruxellois et une cohabitation assez sereine finalement. Oui, c'est vrai, et il y a beaucoup d'ambiance. Et quel est l'intérêt de faire ses études à Bruxelles quand on est étudiant par rapport à d'autres villes comme Louvain-la-Neuve ou Liège? Mais je dirais que c'est la diversité des étudiants. C'est la diversité des étudiants qui est assez unique. On a énormément de gens qui viennent faire leurs études de l'étranger, beaucoup de programmes Erasmus dans les différentes écoles. Et donc, ça permet de construire ces réseaux dans le futur. C'est très important. Et ça, c'est une opportunité unique à Bruxelles de pouvoir rencontrer des gens qui ne font pas spécialement tous les mêmes études, mais on vit ensemble à Bruxelles, on se rencontre, on construit son réseau international. Et dans ces étudiants youtubeurs, Twitter, etc., est-ce qu'il y en a qui ont décidé de venir faire leurs études à Bruxelles après ce petit passage à Bruxelles, cette petite visite? Est-ce que ça leur a plu? Ils ont dit, voilà, moi j'ai décidé, Bruxelles, c'est la ville où je veux étudier. Alors, ceux qu'on a choisis, c'est des youtubeurs et des blogueurs qui ont énormément de followers. Ils n'ont plus besoin de faire d'études. Et donc, soit ils ont déjà fini leur étude, parce que beaucoup sont quand même des plus âgés, 21, 22, donc ils ont fini leurs études, ou ils viennent de terminer leurs études, et je crois qu'ils sont fort concentrés sur leur boulot principal maintenant, qu'on voit, hein, ça commence à bien fonctionner, être youtubeur et blogueur. Ont-ils fait des études déjà, hein? Il y a quand même pas mal, oui, parce que ceux qui, on le voit souvent dans ces youtubeurs, blogueurs, ceux qui résument, ils sont partis quand même de leur vie à eux au départ, qui ont comme ça qu'ils ont commencé sur YouTube, et ceux qui fonctionnent, c'est surtout comme ça qu'ils fonctionnent bien, et donc c'est ceux-là qu'on a sélectionnés. Donc la plupart sont des gens qui viennent de sortir des études, ou bien vraiment des youtubeurs et blogueurs très connus qui sont venus. Voilà, il y a un site internet de référence, pardon Julien. Oui, encore une chose, le folklore estudiantin fait vraiment totalement partie de la vie bruxelloise. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a été mis en avant? Donc par exemple comme la Saint-Vragen ou autre Alors ça dépend, non pas spécialement. Nous ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est la vie bruxelloise et aussi la capacité pour les étudiants d'être intégrés. Parce que c'est vrai, quand vous débarquez dans une ville que vous ne connaissez pas, que vous ne parlez pas la langue, ce n'est pas toujours évident. À Bruxelles, le gros avantage, c'est que tout le monde parle au moins leur langue. Ce n'est pas difficile de trouver, vous parlez italien, espagnol, vous allez trouver des espagnols, des italiens, des anglais, peu importe finalement. Vous trouvez toujours quelqu'un qui parle votre langue également. Et donc c'est quelque chose qu'on a mis fort l'accent, parce que ça rassure aussi les parents de savoir, quand vous venez d'un pays éloigné, de pouvoir être accueilli dans votre langue et qu'on vous simplifie d'une certaine manière la vie aussi. Okay. Un site internet très pratique pour découvrir toutes ces vidéos hein, de cette campagne de promotion que vous avez lancée cet été, et puis aussi toutes les infos pratiques pour tous ceux qui nous écoutent, les parents, les étudiants qui vont bientôt rentrer à l'école, les adresses pour trouver les cotes, tout ça c'est www.studi.brussels, B-R-U-2-S-E-L-S. Voilà, studi.brussels, c'est le site à aller visiter avant la rentrée des classes. On vous souhaite évidemment une bonne rentrée et puis aussi plein de courage à tous ceux qui sont en train de nous écouter en pleine seconde session. Hein. C'est la période là en ce moment. Oui, c'est bientôt la fin surtout. Bon, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Patrick Bunting. Je rappelle que vous êtes le CEO de Visit Brussels. Merci, au revoir. Stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more, kept moving that away. And we left the club and fell in love, and then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. You can stay, but after all, I can't recall. I can't recall. Et c'est le moment gastronomique de cette émission, le moment où on se fait plaisir, où on vous invite à aller au restaurant grâce à notre partenaire, le Guide Delta, un guide qui est très sympa. Et d'ailleurs, un restaurant a été sélectionné par le Guide Delta. Julien et Marion, vous avez testé pour nous le restaurant italien La Botte. La Botte. La Botte, oui, c'est ça. La Botte. Il se situe avenue Près des Agneaux numéro 1 à Auderghem. Alors, La Botte, comme La Botte d'Italie ? Eh bien, oui et non. La Botte, en fait, c'est un peu un jeu de mots. Donc, La Botte d'Italie, oui, forcément, parce que c'est la première chose à laquelle on peut penser. Et puis, si on creuse un peu plus loin, eh bien, La Botte, ça veut dire un tonneau en italien, un tonneau de vin. Donc, ça présage des bonnes choses. Bonjour à tous les auditeurs de Vivacité. Le restaurant La Botte. Ça fait 6 ans que je suis là. Ça, c'était un petit projet qui s'est né avec moi et mon épouse Rosa. Et avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, on a créé La Botte. Chez nous, les spécialités, c'est plutôt des pâtes, comme tous les Italiens, mais aussi les pizzas sont pas mal. Et après, évidemment, aussi le poisson. Je suis un Napolitain. Je travaille beaucoup le poisson. Et on essaie de trouver toujours des choses originales. Et surtout, des choses vraiment italiennes. En tout cas, la carte est bien remplie. D'ailleurs, c'est assez difficile de choisir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais manger. Et alors, un pizza pancetta et un bigoli. Moi, j'ai décidé d'opter pour une pizza. Et j'ai choisi la pizza pancetta, c'est-à-dire que c'est une pizza sans sauce tomate. C'est assez surprenant pour une pizza italienne. Hein. Une pizza sans sauce tomate avec de la pancetta, de la courgette et de la mozzarella. Elle est bien croustillante, la pâte est super bonne et tout ce qui est dessus est délicieux. Je me régale. Et vous, Julien, c'est comment votre plat ? Tout comme votre pizza, c'est vraiment délicieux. Donc, ce sont des linguines avec des tomates cerises, de la roquette, des pleurotes. Le tout accompagné d'une huile à la truffe. C'est vraiment un régal. C'est une panna cotta au café avec une crème de whisky. C'est vraiment surprenant. On goûte vraiment fort le whisky, mais en même temps, c'est très doux. C'est vrai que c'est très bon, ça fond dans la bouche et puis ça croustille un peu parce qu'il y a des grains de café qui sont posés dessus. Moi, ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est l'atmosphère des lieux. C'est vraiment très grand, on s'y sent vraiment bien, pas trop serré. On entend parler italien, il y a vraiment une atmosphère très sympathique, très chaleureuse, avec une grande terrasse, un petit peu ombragée même s'il est plein soleil. Vous êtes venu ici par hasard, vous avez mangé quoi ? Mangé le lunch, l'insalata croccante con calamari et linguine pancetta, zucchini. Et là, vous en avez pensé quoi ? Eh bien, franchement, on est agréablement surpris par le prix et la qualité, et surtout la cuisson al dente des linguines qui est gens. Ne reviendront. On ne va pas dire 10 sur 10, mais au moins 9,5 sur 10. et vous êtes bien amusés en plus. Ah ben, il y avait des bons vivants, des bons Italiens dans ce restaurant. C'était vraiment sympa. Il y avait une bonne ambiance. Franchement, ça donne envie. Hein, quand vous expliquez ce qu'il y avait dans votre assiette, ça donne vraiment envie. Alors, est-ce que c'est cher ? On peut parler d'un ordre de prix de combien ? Franchement, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Hein, donc, on peut expliquer, par exemple, le lunch, c'est entrée plat pour 12 euros seulement. 12 euros seulement, et les assiettes sont vraiment bien remplies. Wow. Puis le soir, vous payez l'entrée et le plat pour 24,50. Et si vous mettez 30 euros, vous avez la totale entrée, plat, dessert. Puis il faut aussi savoir que la carte des suggestions est renouvelée tous les 15 jours. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ils ne travaillent qu'avec des produits frais et généralement importés d'Italie. C'est donc une adresse que BXXL vous recommande très fortement. Et on va vous redonner cette adresse. Avenue Près des Agneaux à Auderghem. Ça s'appelle La Botte, le resto de la semaine sélectionné par les Guides Delta. Merci beaucoup. J'ai bien envie de quitter l'émission maintenant. Manger une pizza sans sauce tomate. Ou alors des pâtes al dente, parce que waouh, c'était bon. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care. Your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed. Il vous raconte avec passion le passé de Bruxelles, entre les faits historiques, les anecdotes, comme si vous y étiez. On se retrouve tout de suite avec nos deux conteurs, Philippe Baudot et Dominique Brinhart. Alors cette fois, vous nous emmenez carrément dans les sombres nuits bruxelloises du XIIIe siècle. Eh oui, j'espère que vous n'avez pas trop peur dans le noir, Stéphane, car effectivement, au XIIIe siècle, les nuits bruxelloises, avec ou sans lune, ne sont pas très rassurantes. Il y a les patrouilles du guet qui font constamment la ronde en criant « Dormez en paix, braves gens, tout va bien !» Bon, d'accord, on est peut-être rassurés, mais une fois sur deux, on est aussi réveillés. Mais au fond, que craignent les Bruxellois ? Ah, ils ont le choix. Les envahisseurs, les bandits de grand chemin, et de façon générale, tous ceux qui peuvent convoiter les richesses de la ville. Voilà donc pourquoi ils cachent leur peur derrière une enceinte faite de hauts murs garnis de tours. Ce qui est surprenant, si vous allez voir la maquette de notre Bruxelles au XIIIe siècle, au premier étage à la maison du roi à la Grand Place, c'est qu'on remarque qu'un quartier entier reste en dehors des murs de la ville. Ce quartier, c'est celui de l'église de la Chapelle, qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des Marolles. Alors il faut dire qu'à l'époque, les gens qui habitent là, on préfère les savoir en dehors des murs de la ville. Il y a d'abord ceux qui sont porteurs de maladies inquiétantes et que l'on confine à la léproserie du côté d'Aube-Bruxelles, c'est l'actuel Saint-Gilles. Et puis il y a aussi les foulons qui pataugent toute la journée dans des baquets d'urine pour dégraisser les textiles. Et ça, quand on fait partie des nantis du Codenberg et qu'on a l'odorat délicat, ça plaît pas. Il y a surtout les tanneurs qui traitent le cuir. Une des fiertés de l'artisanat bruxellois, ce sont de solides gaillards à la peau aussi dure que le cuir qu'ils traitent. Des individus au caractère bien trempé, dont l'outil de travail est un couteau, effilé et bien tranchant. Ce qui suscite l'inquiétude dans les demeures cossues du haut de la ville. Et donc chaque soir, avant la fermeture des 7 portes de Bruxelles, on sonne la cloche pour signaler à cette populace peu appréciée qu'ils sont priés de sortir de la ville. Sous peine de mort. D'ailleurs, sur la colline du Galgenberg qui domine ce quartier, on a dressé des potences pour montrer ce qu'il advient de ceux qui veulent braver les interdits. Et les patrouilles du guet veillent. Dormez en paix, braves gens, tout va bien. C'est en fait depuis cette époque que ceux qu'on préfère voir dormir ailleurs que sous nos fenêtres ont pris le nom de clochards. Heureusement aujourd'hui, plus besoin d'enceinte. On a l'éclairage public, les caméras de surveillance. On a tout de même gardé le guet, on appelle ça à présent des policiers. Heureusement, il ne crie plus la nuit en rue. Allez, dormez en paix, braves gens. Tout va bien. Bonne nuit, mes amis. Bonne nuit, Stéphane. Et à la semaine prochaine. C'était Philippe Baudot et Dominique Brinhart dans VXXL sur Vivacité. Il y a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent. Tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. On tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs, c'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. Tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester. On n'est même pas pressé. Rester. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On briser l'éternité. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles, c'est BXXL. Marion, Julien, vous avez été éplucher les pommes de terre et puis surtout les petites annonces avant de mettre les épluchures dans le journal afin de retrouver les événements à ne pas rater. Que proposez-vous cette semaine dans les bons plans BXXL ? On vous en parlait, ce week-end a lieu le festival de la BD dans le centre de Bruxelles. Mais ici, je voulais surtout vous parler d'un événement qui y est organisé, c'est la Balloons Day Parade. Donc en fait, c'est un événement qui est unique en Europe, durant lequel d'énormes ballons sont gonflés à l'effigie de vos personnages de bande dessinée préférés. Ouais. Le gonflage va commencer vers 10h du matin sur la place des Palais. Ensuite, ils vont démarrer vers 15h30 pour rejoindre De Broucker. Ils arriveront normalement vers 18h. Et donc c'est l'occasion d'aller admirer vos personnages de BD préférés. Ça vaut la peine. En plus, c'est 100% gratuit. Alors, les Balloons Day, moi je pensais que c'était les montgolfiers, vous voyez, les grands trucs. Donc c'est des grands ballons. C'est gigantesque. Et voilà. Ce sont des énormes ballons qui sont tenus par des ficelles, un petit peu comme les parades américaines. Et donc c'est inspiré, en fait, c'est inspiré de celle-ci. Mais et on risque pas de s'envoler quand on tient un truc pareil. Mais vous ne le tenez pas, vous assisterez. Faut manger, Marion. Faut manger, hein. Bon, vous assisterez seulement au défilé. Moi, je vous invite pas à aller manger, mais plutôt à aller boire une petite bière. On en parlait aussi tantôt, des bières. Donc, c'est le festival de la bière ce week-end. Et donc, rendez-vous à la Grand Place pour déguster une bière. Là, il y aura tout un stand, une espèce de bar monté. Et donc, l'entrée est gratuite. Et on pourra déguster des bières belges bien de chez nous à des prix assez démocratiques. Et puis, si vous n'avez pas envie d'aller sur la Grand Place, vous pouvez aussi aller au bar national qui se trouve à la Bourse. Et là, les bouteilles, la particularité, c'est que ce sont des bouteilles de 75 centilitres. Ça pourrait être sympa. Là, on a dit qu'on y allait 75 centilitres. Ouais, attendez, parce que moi, je connais, quand on va dans un café, en général, on demande une 25. Ou alors une 33 si on a un peu plus soif. Ou alors si on a vraiment soif, on prend la 50. Quoi. Très mais déjà, la 50, c'est l'énorme verre. Mais alors, si on demande la 75... Eh bien, il faut avoir les épaules bien accrochées. Mais il y a les 37-50 aussi. Hein. Oui, les 37-50. Comme la Krieg Linderman, c'est toute une série de bières. Et il y a aussi les tout petits 15 centilitres aussi. Ça porte un nom d'ailleurs, mais j'ai oublié. Moi, je préfère la 75. Ouais. Voilà. Ah bah voilà, elle est gourmande. Super, ça. Bah, que des bons plans à revoir sur notre site vivacité.be. Et puis, n'hésitez pas à écouter Vivacité. Bruxelles Matin, Julie Vanage vous réveille entre 6h et 8h. Ce sera demain ou tout à l'heure, c'est selon, pour ceux qui sont levés depuis très tôt ce matin. Et elle vous parlera demain, après 6h, du cinéma dans le quartier Le Stockel, qui organise la toute première fête du cinéma à Stockel. Donc c'est jusqu'au 30 août, donc ce sera le dernier jour. Vous pouvez profiter d'une séance de cinéma à tout petit prix. Devinez le prix. 5€? Non, moins. 3? Ouais, deux, un peu plus. 2, 4, 3,50€. Voilà. Ah, j'étais presque. Pas cher, hein. Si vous voulez voir la programmation, c'est cinémalestockel.com. Voilà, soutenons les cinémas de quartier. Et en plus, surtout quand ils vous proposent des séances à ce prix-là, c'est quand même du jamais vu. Très intéressant. Et puis, Julie a décidé de faire un peu comme nous. Hein. Elle va prolonger l'été. Hein. J'ai l'impression qu'elle est nostalgique des vacances, puisque durant le mois d'août, jusqu'au 15 septembre, en soirée, eh bien, vous allez pouvoir embarquer pour des croisières apéro sur le canal de Bruxelles les mardis, les vendredis, les samedis à 19h30. Ce serait pas mal d'aller faire une petite croisière. Ouais, bah moi, ça me tente bien. Ouais. Je suis pour. Je m'inscris. Ok. Et ben la semaine prochaine. À la semaine prochaine, un petit débriefing sur la croisière apéro. Allez, super. Vous allez nous emmener sur le Love Boat. Ah bah oui, mais donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour venir avec moi sur le Love Boat. Ouh là là, attention, c'est une annonce. Hein. Si vous voulez postuler, Bruxelles UVST RTBF sur la page Facebook, bien sûr, vous pouvez inviter Marion, ou plutôt Bruxelles vous faire inviter par Marion en croisière le long du canal. C'est déjà fini l'émission là. Il est grand temps. Ça se termine. Bah oui, ça passe trop vite en fait. Hein. Ça passe beaucoup beaucoup trop vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À lundi prochain. Ouais, dès à lundi sur Vivacité. Bye bye. Au revoir tout le monde. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Citroën Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Citroën Isère, Evair et Drogenbos. Citroën. David Riffon, bonsoir. Après une terrible attente pour ses proches, la terrible nouvelle est tombée en milieu d'après-midi. Le corps sans vie du petit Anthony, 8 ans, a été repêché dans la Sambre à l'Aube. Il était porté disparu depuis samedi. Il jouait avec d'autres enfants sur un bateau de plaisance lorsqu'il a glissé. Ses parents n'ont pas vu la scène et n'ont pas pu donner l'alerte tout de suite. Ça n'a été fait que quelques minutes plus tard, sans pouvoir indiquer exactement où l'enfant était tombé. Les recherches se sont intensifiées aujourd'hui. Les équipes au sol ont travaillé avec un sonar et un hélicoptère hélicoptère a été envoyé en appui ce matin. Les fouilles s'étaient concentrées aujourd'hui sur une zone plus réduite de 300 à 400 mètres, à 1 km environ, en amont de l'Aube. Les électeurs espagnols vont-ils retourner une nouvelle fois aux urnes? Les socialistes espagnols semblent toutefois bien décidés à empêcher le maintien au pouvoir du Premier ministre conservateur Mariano Rajoy.